Tu es parti comme un voleur qui a tout pris et disparaît. Mais tu as laissé sur mon cœur quelques empreintes d'un bonheur envolé. Je passe mon temps à chercher tes mots, ton visage et tes mains. Nuit.